Ostegunos, Chronica Libre. Eta greba mugimentiak piztu dutin trenetako erreformaen argumentu nausia da SNCF-a zorretan dela. 55 miliar euroko zorra. Benanuntik horra da zor hau. Galtuguni, ihardestia hesiatiko dugu egunkuan. On a une dette qui est phénoménale, 50 milliards d'euros de dette. C'est 3 milliards de pertes chaque année. Aujourd'hui, cette dette menace d'engloutir tout le système. Nous nous disons que cette dette est un problème, qu'elle menace même le système ferroviaire. Avec un endettement vertigineux de la SNCF. C'est quand même une dette qui explose en permanence. Telle que je l'ai définie à capitaux publics, elle ne peut pas porter 50 milliards de dettes. Une dette qui ne cesse de gonfler. Hein. C'est la mort de la SNCF. On demande à la SNCF, qui porte déjà le fardeau d'une dette, de courir le 100 mètres avec un boulet au pied qui serait celui du statut des cheminots. Ça ne peut pas continuer comme ça. On va droit dans le mur. Jadanik SNCF azai gielaek bi entrepreza publikoetaz aigia. SNCF Mobilite, geltokietaz arduratzen dena, eta SNCF Rezo, trenbiden mantenimentietaz arduratzen dienak. SNCF Rezok du zorraen parte handieta, 55 miliar etaik 57 miliar betik erura beitia. Hau espikagarria da, trenbiden araberitzia kaio beita eta ezbaitu soz sartze handik ekarten. Finantzatuik da subvenzio publikoen bidez, bai eta trenier peaje bat pakastez, bena hau beti investizamentiak beno apalago dia. Eta SNCF-aen zora, SNCF-aen sortzia beno lehena gukuak dia, lehen trenbidiak privatizatuik behitzien Frantzian eta zor animalekuak basutien. 1927an sortzi kompania privatiak batuk dia entitate nazional bakar batetan SNCF-a. Eta hunek rekuperatzen du entrepresa hoien zorrak. Kuntiak negatiboak ukendutie ordin hatxaretik, hau dela gerlagatik zora handitu zaio eta hoiko wano azkartuko dia trenier pakasten dien peajiak ezpeitutie investizamentiak estaltzen. Egoera horrek jarraikitzen du 2000 urtila arte, garai hartan egonkortzen da eta 55 miliar euroko unguian da SNCF-aen zora. Benami, 2008-tik eta azken urtetan zora azkartzen da. Zentako, proiektu erraldoi sumaitentako edo sumait sortuik izan behitia halanula Poitie eta Limoges arteko abiadura handieko linea edoe Bordale eta Bilbon egin nahi den linea animaleko hau. Horrekin zora 2.000 miliar euro artien handitu da urtez urte, zoraen habosengoa proiektu erraldoi horietaik horra delaik. Ondorio gisa, SNCF-ak arrenkuak badutu mantenimentu lanen egiteko besarean, sarea txartzen ari da, behantak akumulatzen dia, errentagarritasunik ez dien treniak elkik dia, SNCF-ak rezoen sos txartziak apaltzen dia, peajiak goatzen dia, bai eta bileten presioak ebai. Trenien jabilpena odela tipitzen beita, presio egoeragatik zora wano askarago hasten zaie. Cette dette, c'est le résultat d'une priorité accordée aux infrastructures et notamment au tout TGV, que cette priorité, elle a été politique, elle a été décidée par l'État français, c'est pas les cheminots qui l'ont décidé, et donc là aussi, ça permet de prendre une certaine distance. Le président français a annoncé qu'il souhaitait ne plus lancer de grands travaux jusqu'au vote d'une loi d'orientation des mobilités. Cependant, le Lyon-Turin ne devrait pas subir de coup de frein. Le coût du projet oscille entre 26 et 30 milliards d'euros. Eta udela, estatiak bidetako garaioak sustengatzen duti animaleko subvenzioekin eta horrek elkitzen du treniai lana. Hainbat objektu bidetaik edo komertzio gaizak bidetaik karriatuik behitia eta uaiarte tren bidetaik zielaik. Eta udela, haute bide kontsesioniak saldu dutu estatiak sosartze animaleko bat galdu du horrekin, horrek laguntzen zilaik tren bideen sustengatzia. Depuis la fermeture du Fred, on a remis en plus dans les années 2000 plus de 1 800 000 camions. En 2015, 87% des marchandises ont transité par la route, un peu plus de 10% seulement par le rail. Il y a 30 ans, en 1985, le rail en transportait 3 fois plus. Bi hamarkadetan haitu politikoengatik trenbidiak abandonatuik izan dia biden lehen esteko. prefosta hedabidetan ez da ipatuik izan, eta ez da ez da baida publikoik izan gai hortaz. Ezen zaefaen zora urdin baditu esplikazione historikoak, strukturalak, ben hanitxese handitu bada azken urtetan norabide politikoen gatik izan da, hoien arduradunak askiai jadia atzamaitia, hoietan beita Emmanuel Macron izeneko bat ekonomi ministroa izan da zenan 2014-tik 2016-ila. On nous explique que la SNCF, elle est quasiment en faillite. Un mois après, on a le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui annonce un plan d'achat de 100 rames TGV nouvelle génération pour 2,5 milliards d'euros, ce qui va de fait alimenter la dette du ferroviaire. La décision est prise, elle sera effective. La commande des 100 TGV du futur aura lieu. Donc à un moment donné, ces injonctions contradictoires, et ça c'est à l'image de toujours ce qui s'est passé avec la SNCF, c'est-à-dire qu'on a des politiques qui nous disent « Ah, la dette de la SNCF, c'est pas bien, c'est pas correct », mais les mêmes politiques, à commencer par Bruno Le Maire, ils vont vous demander l'achat de 2,5 milliards d'euros de rames TGV dont on n'en a pas besoin. Et vous savez à quoi ça va servir? Ça va servir à libérer des rames TGV de la SNCF qu'elle va passer dans une filiale pour les louer à qui? Aux concurrents de la SNCF. Voilà la contradiction, voilà la schizophrénie auquel on va tomber. Bruno Le Maireen hitzoik edila hilabete batetakoak zian, martzuen hoita hamaran egindakoak edo errandakoak. Estatiek egiazko trenbide politika bat jamaiten balin bazian eta bidiak sozez laguntzen ekioatzen balin bazutin, xare garatiago, hobeago, merkeago eta errentagarriak ukeiten ahal dutu Frantziak. Hau dela pertsona bat, trenez bidaiatzen dilaik, otobadekin igitzen dena beno, berroita hamar aldiz zeobi gutiago kontsumitzen dutu. Norabide hau hun izaiten ahalda ordin hainbat arazuen gatik. Bena horrentako ez da trenia utzi behar hamar urtez hogei miliar zor sortu diener, azken hoiek, nahiago dielaik espikatu tren gidaraien abantailan gatik diela 2 miliar euro galtzen urteoz. Ostegunoz, Kronika Libre.